Les mots à la bouche débarquent sur Webset Radio. Ne suivez pas leur exemple, évidemment. Et rappelez-vous que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Allez à table. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des loups. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on mange. Allez à table. Les mots à la bouche. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des mots à la bouche. Les mots à la bouche, la seule et unique émission de radio qui mêle pour votre plaisir gastronomie, vin et littérature. Nous avons baroudé la semaine dernière en Italie avec Pierre Adrian, une bouteille de Chianti et un risotto. Ce soir, nous poursuivons la route et allons du côté de la Serbie en faisant un crochet par la Suisse. Pourquoi un périple pareil? Eh bien, chers auditeurs, parce que nous avons l'immense plaisir et l'honneur de ce soir accueillir Slobodan Despot sur notre plateau. Bonsoir Slobodan. Bonsoir Yves. Slobodan, vous avez publié vos deux premiers romans assez récemment aux éditions Gallimard, dont le dernier en date, Le Rayon Bleu, est en librairie depuis avril. Alors, pour vous cuisiner, cher Slobodan, à talent exceptionnel, plateau exceptionnel, car j'ai à ma gauche Romaric Sangars, auteur remarqué des Verticaux en août 2016, qui fut son premier roman aux éditions Léo Cher. Bonsoir Romaric. Bonsoir. Et je rappelle à nos auditeurs, les plus fidèles s'en souviennent, que Romaric a été notre premier invité dans l'émission Des mots à la bouche. Puis, à ma droite, notre maître queue officiel, Théo Torresilas, du magazine Saveur. Théo, mon cher Théo, qu'avons-nous au menu ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons déguster de délicieuses andouillettes, et donc voilà, nous allons partir vers le bistrot. Alors, direction le bistrot, merci Théo. Slobodan, vous avez une double nationalité, vous êtes serbe, mais également suisse. Donc vous avez publié votre premier roman qui s'appelle Le Miel en 2014. Alors, vous êtes né en 1967, donc on peut considérer que vous avez écrit sur le tard, ou que du moins vous avez fait paraître vos romans sur le tard. Pourquoi? Parce que c'était un besoin nécessaire de compter une part de votre vie, ou parce que vous aviez un imaginaire un peu trop bien rempli, ou par ennui, ou pour séduire les femmes, ou pour quitter le bistrot ou... Ben là, vous venez, cher Yves, d'énumérer toutes les bonnes raisons. Je n'ai plus rien à rajouter là-dessus. Vous alliez au bistrot, et le jour où votre femme vous a dit assez, vous avez décidé que vous alliez écrire, et c'était Sébastien Lapac qui disait ça, que sa femme adorait qu'il écrive, parce voilà. Que moi, il n'était pas au bistrot. Voilà, c'est une manière de contrôler le bestiau, oui. Oui. Et alors, le miel, justement, vous l'avez écrit d'après une histoire vécue? C'est une histoire vécue, non pas par moi, mais qu'on m'a racontée, et qui, à la base, était effectivement une vraie histoire de la guerre en ex-Yougoslavie. Oui. Mais que j'ai mis des années à transformer en récit. Je ne sais pas quoi en faire, en fait, lorsque je l'ai entendu. Et pour tout vous dire, j'en ai fait un roman le jour où on m'a donné une bourse d'écriture. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Une bourse d'écriture que vous avez cherchée, justement, oui. pour vous mettre au travail, pour votre roman. Voilà, il me fallait ça pour me mettre au travail. Puis aussi, accessoirement, parce qu'à l'époque où je l'ai fait, je venais de fonder ma propre maison d'édition, les éditions Xenia, et que je n'avais pas le sou. Alors, à tout hasard, comment jouer à la loterie, je me suis porté candidat pour une bourse d'écriture en Suisse, que j'estimais n'avoir absolument aucune chance de décrocher. Et lorsque finalement on me l'a attribué, c'était bien des mois plus tard, j'avais même oublié que je m'étais porté candidat. Et ça vous a forcé à vous mettre le pied à l'étrier? Voilà, alors ça m'a obligé à raconter l'histoire que j'avais promis de raconter dans ma candidature. Histoire justement que je vais présenter en deux mots à nos auditeurs. Le narrateur va chez une herboriste qui s'appelle Vera, car il a des douleurs de dos, je crois. Il a assez peu... De ventre. Il a assez peu l'habitude de ça. Et cet herboriste se met à lui raconter une histoire absolument rocambolesque qui lui est arrivée et qui débute sur une autoroute. Romaric, vous dirigez notamment le cercle Cosaque et vous avez invité, il y a à peu près un mois, Slobodan à venir. Pourquoi? Vous avez été, par amitié, vous avez été profondément séduit par le roman de notre ami Slobodan? On l'avait déjà invité à l'époque du miel, et bien sûr que nous avions été tout à fait séduits par le miel, qui était un premier roman, parce que on parlait du fait que Slobodan ait commencé à écrire tard, mais... Ce qui est très impressionnant chez lui, c'est qu'il est arrivé tout armé comme Athéna sortant de la cuisse de Jupiter. C'est-à-dire que c'est un premier roman qui est d'une très très grande maturité, qui possède, on en reparlera je pense tout à l'heure, même d'un point de vue littéraire, une économie d'une très grande précision. Et donc oui, bien sûr, nous avions été très, tout à fait charmés par ce roman qui décrit quelque chose qu'on connaît très peu en Europe de l'Ouest et qui est un phénomène absolument dramatique des époques récentes. C'est vrai que la guerre en ex-Yougoslavie a été couverte de manière très idéologique chez nous. Oui. On a très peu vu ce qui se passait. Et du coup, c'était très intéressant. D'ailleurs, on parle du cercle cosaque. C'est là où, par exemple, c'est là où c'était aussi un des grands moments du cercle cosaque. C'est toujours quand on arrive comme ça à évoquer, avec une trentaine, une cinquantaine, une centaine de personnes dans la salle, quelqu'un qui a vu ces événements, qui a pu les rapporter et qui brusquement compose un récit sur des événements proches qui nous touchent, qui est vrai, qui est juste, qui est percutant, qui est brusquement humanisé, qui est rendu brusquement extraordinairement intelligible, alors que tout ça n'avait été qu'un vague écho médiatique brouillé parmi tant d'autres. Et je pense d'ailleurs que cette première venue de Slobodan avait été très belle grâce à ça. Et parce qu'il nous décrit donc cet événement sur lequel on peut peut-être revenir, qui est l'évacuation de la Krajina, c'est ça, me semble-t-il. Voilà, oui. C'est l'expulsion des Serbes de la Krajina. Oui. Voilà. Et le massacre aussi parfois. Oui. Oui. Et alors Théo, je crois pour en revenir justement à vos influences et au style même du roman, vous me disiez que vous aviez l'impression de retrouver du Kundera un petit peu en lisant Slobodan. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai trouvé que dans la manière d'aborder le récit, en fait, dans la façon que vous aviez de construire l'histoire. Peut-être également dans certaines thématiques forcément qui peuvent se répondre, alors avec des pays différents mais des époques qui sont quand même similaires, des épisodes qui peuvent peut-être être mis en parallèle, je sais pas. En tout cas moi j'ai ressenti une sensibilité qui se rapprochait. Ah, c'est très intéressant, j'ai pas songé à Kundera, mais mes influences littéraires ne sont pas de ce côté-là. Mais en revanche, ce qui peut-être nous unit un petit peu clandestinement, c'est quelque chose que les lecteurs, d'ailleurs, français ne perçoivent pas toujours. C'est une espèce de distance humoristique vis-à-vis de la vie. Exactement, mais c'est-à-dire que je me suis posé la question, d'ailleurs, en faisant ce rapprochement, là, je me suis demandé si ce n'était pas moi, lecteur français, qui, avec mes références-là, n'avait pas, du coup, ne manquait pas quelques références que vous aviez peut-être en commun, enfin, quelques manières d'approcher la littérature ou le récit ou la vie, je ne sais pas, qui finalement... C'est une manière d'être. Et puis, c'est aussi un héritage commun, je pense, de tous les peuples qui ont subi une génération ou deux ou trois de régime communiste. C'est que sous le communisme, le mécanisme de la défense, c'était essentiellement l'humour. Vous ne pouviez pas vous opposer, vous ne pouviez pas partir, vous ne pouviez pas mener votre petite vie dans votre coin, créer votre petite entreprise. Donc vous n'aviez que cette résistance intérieure qui ne vous concerne que vous-même et votre cercle très proche, les choses que vous pouvez vous dire derrière les fenêtres fermées. Il y a un humour rouge, en fait. Il n'y a pas que l'humour noir, il y a aussi un humour rouge. Oui, qui est d'ailleurs fondé sur l'humour noir, toujours. Et un humour que vous avez créé ou qui est un héritage ou que vous avez cherché à regagner? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai estimé lorsque je me suis mis à raconter ces événements qui sont en soi extrêmement tragiques, parce que l'arrière-plan du Miel, qui est un roman court et auquel l'éditeur pour l'édition Folio a eu lui aussi l'esprit, et je dirais même l'humour assez raffiné, assez britannique de coller une illustration sous la forme d'une tasse de café avec un petit peu de miel qui coule. Effectivement, on a l'impression que c'est une on a l'impression que c'est un afternoon tea, alors qu'il raconte effectivement l'épisode qui est à la fois le plus tragique, le plus sanglant de la guerre en ex-Yougoslavie et celui dont ici on a entendu le moins parler. Ce qui est un paradoxe, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. En particulier, ce même été 95, en juillet, il y a eu la prise de l'enclave musulmane de Srebrenica par les forces serbes en Bosnie, qui fait l'objet encore aujourd'hui de nombreux procès. Cependant, le nombre des personnes déplacées et disparues de la Krajina qui est survenue deux semaines plus tard est beaucoup plus important. On n'en a jamais parlé. Et même, lorsqu'on voit la chronologie des événements, la conférence de presse qui a annoncé au monde l'existence même d'un problème à Srebrenica était une conférence de presse de la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright datant du 10 août. 1995, alors que la Kraïna venait d'être nettoyée. C'était peut-être une diversion. Donc vous imaginez à quel point le contexte est délicat et tragique. Eh ben, j'ai trouvé que le seul moyen de le traiter, c'était d'abord par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par les destinées individuelles. Et ensuite, par la distanciation que procure l'humour. Oui, c'est ce qu'on retrouve dans votre roman, justement, où c'est un homme qui doit aller chercher son père, qui est dans une terre anciennement serbe et qui maintenant a été conquis par les Croates. Il doit traverser bien des périples et à la fois, il se réapproprie sa terre à ce moment-là. Ben oui, c'est aussi une parabole du déracinement ou du réenracinement, difficile bien entendu. Puisque nous avons affaire à un fils qui va chercher son père dans cette zone qui a été dévastée par la guerre, mais qui en même temps est un citadin qui remonte comme un saumon vers sa source, qui va chercher un père qu'il ne connaît pas dans une région dont il a peur. Et pour rester dans cette thématique du réenracinement, il faut que nous rappelons à nos auditeurs qu'il fait à peu près 35 degrés dans le studio, qu'avec du miel, on fait assez peu d'alcool, je crois, et que nous avons attaqué le vin blanc, et que notre cher ami Théo Torresilas va nous en faire une petite chronique. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Alors, shérif, je crois bien qu'on peut faire de l'alcool avec du miel, mais ce n'est pas la question. Avec un bon alambic, oui. La grande chaleur nous accable, chers amis, en effet, et noie le ton. Et si nous ne voulons pas nous effondrer, la gorge sèche, incapable de prononcer les moindres mots, qui donc ne nous viendront plus à la bouche, il convient de nous le désaltérer au plus vite. J'ai apporté pour vous le breuvage qui m'a sauvé d'une situation similaire ce week-end, quand le soleil frappait dur et que je cherchais le repos dans un coin de verdure. Ce petit plan dégoté dans une cave ouverte il y a peu sur le boulevard de la Villette, à quelques pas de Belleville, à cheval entre le 19e et le 20e, dans mes contrées si loin de ce studio des beaux quartiers de la rive gauche. Sa robe presque translucide d'un jaune très pâle au reflet vert nous faisait douter avec mon camarade de la boisson que nous allions déguster. Quelles ne furent pas notre surprise et notre joie quand nous avons senti la finesse de ce vin, désaltérant à merveille, d'une franche fraîcheur à l'attaque, aux notes herbacées qui s'étendent avec des accents d'agrumes, délicatement fruités et qui font finalement comme un bonbon pour grand garçon. Il n'a qu'un défaut, sa trop grande buvabilité qui nous en fera voir le fond trop vite. Nous ouvrirons alors le rouge qu'il convient de glouglouter avec une andouillette, un de ces vins qu'on sert dans les bouchons lyonnais à la ficelle, comme est traditionnellement tirée l'andouillette elle-même. Ce n'est pas un saint pour saint pour autant, mais le Beaujolais, dans ce qui se fait de mieux, un Beaujolais village. Je vous propose un Luron, bien nommé pour l'occasion. Il est vinifié par le couple Raphaël et Christelle Champier, qui travaillent en bio et même dans les règles de la vinification naturelle, n'ajoutant rien dans leur jus de raisin qu'un peu de soufre si nécessaire. Cela devrait donner un vin fruité et gourmand à souhait, un vin de copain, comme on les appelle, qui se boit sans soif, mais que nous boirons d'autant plus que nous avons chaud et que donc nous avons soif. Merci beaucoup Théo, et je crois que nos auditeurs ne diront pas le contraire car il fait chaud à travers la France entière. Revenons sur les romans. Slobodan, il y a un point commun entre le miel et le rayon bleu, c'est que le narrateur dans vos deux romans, donc celui qui parle à la première personne du singulier, passe bien plus de temps à écouter et à retranscrire ce qu'on lui dit, notamment de la part de ses interlocuteurs et souvent de ses interlocutrices. Qu'à agir et à nous en compter la trame. Est-ce que c'est une manière pour vous, justement, je ne sais pas, est-ce que c'est une manière d'écrire qui est plus simple pour vous? Est-ce que vous êtes ainsi vous-même dans la vie courante? Oui, je crois que c'est tout simplement c'est probablement une transposition en grande partie de ma propre attitude vis-à-vis des événements et de la vie. Je suis un petit peu sur le bas-côté. Je suis plutôt un contemplatif. Je suis plutôt quelqu'un qui peut agir à l'occasion, qui a eu ses frasques, mais j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 19 ans dans l'édition, la traduction. Les événements dont il est question dans le miel sont des événements qui ont été fondamentaux pour ma vie, parce que... Ah, voilà. Première bouteille, merci. Présent. Parce que, précisément, c'était des événements que j'ai dû observer en tant que spectateur, dans la mesure où j'étais, dans les années 90, j'étais en Suisse, j'étais citoyen suisse, j'étais soldat suisse. Pour le service militaire ? Oui, pour le service militaire, ouais. J'étais suisse. Évidemment, ça impliquait, ça concernait ma famille, mais, ou mes familles, puisque j'ai des familles de tous les côtés du front. Et je m'étais dit, évidemment, on a envie, à un moment donné, quand on a 20 ans, 25 ans, d'aller se mêler de tout ça, de combattre. De vivre la grande vie, le risque, l'aventure. Et en même temps, je me disais, mais bon, c'est du dernier kitsch de faire ça, c'est du romantisme de bas étage. Il vaut mieux emmagasiner et puis être le témoin irréfutable plus tard. Et de fait, le seul moyen d'être un témoin irréfutable, c'est le grand paradoxe de la littérature qu'avait bien mis en évidence René Girard, c'est d'être romancier. Seul le roman est irréfutable. Et vos personnages, justement, sont dans ce paradoxe assez souvent. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir une scène de guerre, à la fois ils auront peur et à la fois ils auront une sorte de culpabilité ou de honte en se disant « Mais c'est ça que j'aurais voulu faire également pour vivre un bon coup. Voilà. » Mais en revanche, eux ne vont pas à l'art. Non. Non. Les personnages sont des... Certains sont un petit peu paumés. Certains sont entièrement ancrés dans leur vie, dans la réalité de leur vie, comme le personnage du père, de Nicolas, l'apiculteur, dans le miel. Il y a une forme artistique, d'ailleurs, presque, dans cette production de miel. Ah oui. Du reste, dans le roman, évidemment, le miel est, à mon avis, le personnage principal dans le roman qui s'appelle ainsi. De même que dans le suivant, dans Le Rayon Bleu, à mon avis, le personnage principal, c'est un téléphone. Et nous allons y revenir pour expliquer à nos, j'allais dire à nos lecteurs, mais à nos auditeurs justement de quoi est-ce qu'exactement relève l'intrigue. Et je ne vais pas courir au devant de l'explication, mais il me semble, en tout cas dans mon esthétique, dans ma vision de la littérature qui est finalement très fraîche, parce que je suis un primo romancier très tardif à 47 ans, comme vous l'avez dit. Il me semble que les choses, les événements, les réalités qui nous sont extérieures nous imposent, comment dirais-je, un cours, des prises de décision, des attitudes que nous-mêmes, dans notre conscience très flottante et très, très volatile, ne réussirions jamais à nous imposer. Une fois, c'est le miel qui joue le rôle de, comment dirais-je, de monnaie d'échange et de passe-partout. Oui. Dans le premier roman, la deuxième fois, c'est les messages d'un téléphone. Allons sur ce second roman, justement, Romaric. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, vous qui l'avez lu et bien lu ? Bien, ce que je trouve assez extraordinaire dans la méthode, entre guillemets, qu'emploie Slobodan, c'est qu'il y a un effet entonnoir dans ses livres, c'est-à-dire qu'il part d'un point de vue, comme il en parlait tout à l'heure, d'un point de vue très subjectif, pas personnel, mais subjectif, d'un personnage dans quelque chose, dans une intimité, dans une réalité très incarnée, et d'un personnage souvent très commun. Enfin voilà, c'est jamais des héros ou des gens spécialement flamboyants en soi. C'est vraiment des personnages très communs. Ils sont même assez souvent couards, assez souvent trouillards, et ils se découvrent peut-être une nouvelle identité au contact de. Pas exagérément non plus, mais ils sont communs. Quoi. Normaux, quoi. Ils sont normaux. Voilà. Normaux. Ils sont excessivement normaux. Ouais. Mais ils sont dans une subjectivité complète. Et sauf que à partir du miel, enfin à partir d'un personnage normal, de son rapport de soins avec Vera et d'une histoire du miel, on nous ouvre brusquement sur une des plus grandes tragédies de ces 30 dernières années. Et avec le rayon bleu, à partir de la narration d'un personnage qui a une histoire plus ou moins amoureuse avec une jeune femme liée à un château et à un Absolument, téléphone oui. qui sonne dans le vide. Enfin bref, à partir de cette histoire-là, on arrive quand même à la question de la dissuasion nucléaire et la guerre froide. Qui est le thème justement de votre roman, Le Rayon Bleu. Ouais. Voilà, et là on a l'impression d'avoir cet effet entonnoir que je trouvais dans Le Miel. Alors encore, dans ce second roman, encore plus accentué oui. et de manière tout aussi magistrale et virtuose. Il y a vraiment un grand sens de la composition. Enfin, moi, j'écris tout à fait en lyrique et en égotique lyrique. D'autant plus que vous êtes également un poète et que lors de la première émission, vous nous aviez lu un de vos poèmes, Romaric. Voilà, et donc du coup, je pars de cette chose-là et je suis d'autant plus impressionné par l'art de Slobodan qui qui est vraiment quelqu'un qui prend un sujet, qui le compose avec beaucoup de distance, de raffinement et de précision, et d'une précision assez scientifique qui est une approche très opposée à ce que peut être la mienne, notamment de la littérature, que oui. Je trouve très, très, très habile et très efficace. Et en plus, voilà, c'est ça aussi, il y a un côté qui est très beau et très fin dans sa parabole, c'est qu'il y a, ce sont des titres très, très humbles, enfin, le miel, le rayon bleu, qui n'ont l'air de rien comme ça, avec des livres assez, assez brefs, assez courts, d'une écriture limpide, et finalement qui pointe un vertige phénoménal. Historique, tragique ou métaphysique au bout du compte. Exactement, c'est... Ouais. C'est cela, je crois qu'on part d'un fait qui est apparemment commun, à la fois banal, mais justement il y a une montée, une levée, comme s'il y avait aussi une peur des habitudes. Et j'ai relevé un passage justement dans votre roman Le Miel, où c'est l'herboriste Vera qui parle d'une de ses clientes en disant « Elle pleure ses mauvaises habitudes qui l'assassinaient. Elle est comme un prisonnier libéré qui ne peut plus dormir sans sa planche nue et son ampoule allumée toute la nuit. » Et je crois que vos personnages justement dans vos romans sont souvent comme ça. Ils se retrouvent dans une situation qui est dangereuse, qui peut potentiellement les mener au gouffre. Et ils se questionnent justement, est-ce qu'ils quittent leurs habitudes, est-ce qu'ils vont plus loin, est-ce qu'ils se transcendent, ou est-ce qu'ils restent dans leur confort ? Oui, je crois que nos habitudes sont nos pires tyrans. Et en devenant d'ailleurs écrivain, de nouveau, c'est un grand avantage, un grand privilège de devenir écrivain sur le tard. Et en plus d'être soutenu par en tant qu'éditeur, j'en reçois des manuscrits de gens qui... profitent de leur première année de retraite ou de leur premier congé sabbatique au lycée pour écrire le grand roman qui va tout changer. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais je veux dire, moi je suis un petit peu devenu romancier à la fois par hasard et par nécessité, pour paraphraser Monod. Mais ce que je veux dire, c'est que... où en étais-je ? Voilà. Par rapport à votre maison d'édition, du vin blanc. Notamment. Oui. C'est un bonbon. C'est le vin blanc qui me détourne du droit chemin. Oui, ce que je veux dire, c'est que il y a, en tout cas pour moi, une absolue nécessité dans chaque mot, dans chaque phrase, et il y a l'impossibilité, pour moi, pour revenir à ce que disait Romaric, j'ai lu son roman et je me suis les dit, verticaux, ouais. Les verticaux. Et je me suis dit, ça m'a d'ailleurs fait penser au roman à la trilogie de Raymond Abelio. Si peut-être que tu as été influencé un peu par Les yeux des aigles qu'elles sont ouverts, non ? Je ne sais pas s'il s'agit, mais pas plus. Non. Ah bon, ben voilà. Il réussit à construire dans une immersion, foisonnante. Dans les dialogues, dans la pensée, la vie intérieure de ces personnages, etc. Moi, il me faut un fil qui est un peu comme la ligne claire de Hergé. Il me faut une action et il me faut un coup près moral dans ce que je vais raconter. Même si au départ ça semble anodin ou très très très ordinaire, il faut à la fin un coup près moral. Et puis il y a effectivement, on disait tout à l'heure qu'il y avait nos habitudes étaient nos pires tyrans. En devenant romancier, disais-je, je me suis progressivement distancié, c'est le moins qu'on puisse dire, de la foi dans une quelconque action de type social ou politique. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez, quand vous percevez de l'intérieur, parce que vous devez vivre la vie des personnages, l'emprise qu'ont les habitudes ou les peurs ou les réflexes acquis. Réflexe de confort, notamment. De conformisme également. Dans nos vies, vous voyez très bien que notre activisme, au sens le plus général, sociétal même, du terme, n'est qu'un théâtre, n'est qu'un paravent à notre inertie. Il y a dans. Un des romanciers qui ont le mieux compris cela, c'est Simenon. Dans Simenon, foisonnent les personnages qui vivent un enfer. Mais qui préfèrent encore cet enfer à au moindre changement de leurs habitudes. Dans La fuite de Monsieur Monde, par exemple, sauf erreur, on voit le personnage qui retrouve par hasard dans une rue, dans le midi, qui voit passer la femme qui était le vrai amour de sa vie et qu'il a abandonné justement pour des raisons de confort et de sécurité. Et il se dit, voilà, j'ai l'occasion de recommencer ma vie, je vais la rattraper. Mais il ne peut pas la rattraper, pourquoi ? Parce qu'elle est de l'autre côté de la rue et que lui, il n'a pas payé son café. Alors, oui. Le temps de payer son café, elle a disparu. Voilà. Pour les amateurs de Céline, c'est exactement le cas avec le couple Enrouille dans Le Voyage au bout de la nuit. Ben voilà. Théo, avant que nous nous aérions l'esprit avec une première pause musicale, je crois que vous avez une petite question, une remarque oui, pour Slobodan. Mais en fait, moi, je suis très intéressé par le récit que vous faites et je voudrais me savoir en fait, un peu votre j'aimerais avoir votre témoignage. En fait, comment devient-on, justement, après avoir été un éditeur et donc avoir lu énormément auteur, justement comme vous le dites sur le tard, même si c'est pas si tard que ça. Je pense ça que c'est difficile, non? Je pense que c'est presque je pèse mes mots, ça tient presque du miracle, c'est-à-dire de l'intervention de ce qu'on pourrait appeler la providence, ou en tout cas des synchronicités, pour reprendre un mot de Carl Gustav Jung, dans la vie. Nous avons, lorsque nous sommes des gens de lettres, comme nous le sommes tous ici, nos goûts sont extraordinairement pollués. Je veux dire, ils sont extrêmement nourris par toutes sortes de lectures. Lorsque vous entrez dans une grande librairie ou dans une grande bibliothèque et que vous voyez tout ce qui a été écrit avant vous, vous dites non, c'est pas la peine vraiment, gâcher du papier. Oui, mais ça n'empêche pas d'écrire à 15 ans, ni même à. Non, mais à 15 ans, c'est facile. Non, mais ni même, je veux dire, à 20, à 30 ans, oui. on peut continuer à écrire. On peut continuer à écrire, mais je veux dire, moi, j'ai jamais écrit, pour tout vous dire, avant Le Miel, j'avais jamais écrit une page de fiction. Mais c'est ça page. Qui est passionnant. Pas une page. C'est ça qui est incroyable, en donc, fait, ce bah que oui. vous racontez. Ben oui, il y a un petit côté fatidique. Si on a l'occasion, je vous raconterai après comment j'y suis arrivé, et de nouveau par les événements et non pas par l'analyse. Eh bien, nous aurons largement l'occasion. Mais avant ça, nous allons quitter le vin blanc, nous allons quitter la littérature et nous allons aller vers la musique. Une musique serbe que vous m'avez conseillée, Slobodan. Il va falloir que je me concentre et que j'ai la bonne prononciation. C'est une musique qui s'appelle Eleno Mome de Miroslav Tadic, Vratko Stefanovski, dans l'album Treta Mojka. Je me suis bien débrouillé. La troisième mère, oui, ça va. Impeccable, avanti. Hop. Thank you. Les mots à la bouche. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Web 7 Radio à l'écoute des mots à la bouche en présence de Romain Exanger, Théo Torresilas et Slobodan Despot, notre invité. Nous venons d'écouter une chanson avec un guitariste macédonien, si je ne me trompe pas, et un guitariste serbe. Et je crois que Slobodan, c'est une chanson qui vous tient à cœur car vous étiez en train de la fredonner tout le long. C'est une chanson traditionnelle des Balkans. C'est du sud de la Serbie ou de la Macédoine d'aujourd'hui, comme on voudra. Et c'est une chanson toute simple où une mère demande à sa fille: mais qu'est-ce que tu écris, ma fille? Et la fille lui dit: oh bah j'écris pour me commander des habits. Et en fait il y a des implications et des sous-entendus dans cette chanson à l'infini. Et c'est ce que j'aime d'abord, c'est une nostalgie noire, hein. J'espère que on le sent qu'il y a une sacrée mélancolie, oui. Une grande nostalgie. Mais la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, on est très heureux en entendant ça. C'est Victor Hugo qui l'a dit. Parce qu'il y a aussi une évocation du pays. Ben oui, il y a une évocation de quelque chose de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus archaïque. Dans la musique touche à des choses qui sont au-delà de nous. C'est ce qu'on peut trouver entre autres dans les chants de Zigan dont parle si bien Kessel. Oui. Et il voyait la Russie, il voyait les grandes steppes, il voyait le fleuve Amour, voilà, qui s'étalait sous ses yeux. Voilà. Ça le touchait pour ça. Dans votre roman Le Miel, votre narrateur se trouve exactement dans cette situation, car il est en voiture, il allume l'autoradio et il passe en pays croate. Il a les pétoches, comme pas deux. Mais en écoutant un chant, justement, serbe, il tombe dans une sorte de plaisir et une mélancolie assez forte, et je vais vous en lire un court passage. L'espace d'un instant, sa nation avait presque été unie, et nul ne se demandait combien de temps ni comment cette posture héroïque pourrait se maintenir. Posture héroïque, pourquoi? Parce que la musique dans cette autoradio est comme un défi lancé justement à l'autorité croate, qui se met à vouloir avoir une hégémonie intellectuelle, morale, physique et culturelle. Européenne, comme ils disent là-bas. Exactement. C'était un petit peu le monde de la musique classique contre le monde de la musique folklorique, le miel. Oui, vous en parlez de cette musique classique justement, qui passait énormément lors de la mort de Tito, voilà, et que cette musique classique avait fini par célébrer surtout la mort, oui, et fini par être profondément barbante. C'est barbant. D'abord le classique, c'est une très grande hypocrisie. D'ailleurs, Tolstoï l'avait parfaitement exprimé dans la sonate à Kreutzer. Ce que nous appelons la musique classique ou la musique raffinée et académique d'Europe, c'est ce qui, ne l'oublions pas, a tué toutes les traditions folkloriques. Oui. Excusez-moi, Non, monsieur Sangars, nous pouvons en débattre. Romaric, oui, vous avez Brahms, un truc à dire. Ouais. Puis, pas que Brahms, après, on connaît plus les danses hongroises de Bien Brahms. Bien sûr. Surtout les musiciens classiques, et notamment au XIXe siècle, dans cette espèce de reflux identitaire et romantique typique du XIXe siècle, oui. Brahms va prendre les thèmes folkloriques pour les sublimer dans une orchestration classique. Donc est-ce qu'il y a vraiment une contradiction? Non, mais c'est pas la faute au compositeur, c'est pas la faute au musicien, c'est la faute au système, le système culturel. Mais avant Brahms même, vous savez, Beethoven a composé sa pastorale avec des airs slaves du sud, c'est serbo-croate. Donc on écoute la pastorale et on retrouve ce folklore qui est encore vivant dans ces régions. Théo me souffle que c'est la faute à l'andouillette, car il c'est faut que je rappelle à nos auditeurs que nous venons de servir le plat. Donc nous avons chacun une belle andouillette dans notre assiette. Ce n'est pas extrêmement glamour, mais nous allons voir si Théo parvient nous en faire une belle chronique. Allez, on mange. Allez, à table! À table, on mange! Allez, à table! Les pouces se lèvent, je crois que ça a l'air de séduire à peu près notre plateau. C'est parce qu'il n'y a pas de dame. Et oui, cela m'enchante énormément que nous dégoustions une andouillette ce soir. D'abord parce que j'aime beaucoup ça, et le plaisir que l'on prend en mangeant est tout de même l'aspect le plus important de la gastronomie. Cela peut paraître une évidence, mais les recherches culinaires s'éloignent parfois de ce principe premier au nom d'autres valeurs parmi lesquelles l'originalité tient trop souvent la dragée haute. Je suis heureux de manger une andouillette parce que c'est un plat qui éveille un riche imaginaire. Elle évoque les vastes vitrines de charcutiers où les salaisons rivalisent avec les triperies et devant lesquelles on salive, devenu adulte comme nous salivions enfants devant les bonbons. C'est évidemment un plat d'adulte. Il est riche d'une saveur complexe qui ne s'offre pas facilement. Il convient d'abord de dépasser le dégoût que son odeur peut déclencher. La fameuse odeur de merde, encore contenue dans les boyaux. Dis donc, Théo. Eh oui, vous croyez où là ? Non, non, mais j'y tiens, c'est une odeur de merde. La bonne andouillette ne sera pas trop odorante, certes, mais si elle ne sent rien, c'est aussi mauvais signe. Il faut qu'elle sente. On rappellera à ceux qui ne la connaissent pas encore la phrase célèbre d'Edouard Herriot qui dit que la politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop. Rappelons-la aussi, parce qu'elle nous dit quelque chose de la politique d'aujourd'hui, la politique cordon bleu qui sent le plastique, mais qui est bien remplie de merde, elle. Mais ne nous égorons pas dans des métaphores politico-culinaires et revenons au plaisir authentique de savourer une andouillette, d'avoir vaincu les appréhensions et de ressentir la subtilité de la saveur d'un produit paysan. Fort en bouche, mais nuancé, salé, charnu, fondant, croquant, éveillé par l'acidité de la moutarde, âcre par moments. Un mets complexe qui se savoure pourtant dans la simplicité qui réunit quelques amis, dans la confidence d'une salle de bistrot et l'ivresse du Beaujolais. C'est dans cet esprit qu'étaient originairement notées les andouillettes par la fameuse association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques, les 5A, pendant lesquelles se réunissaient de belles plumes aux coups de fourchette gaillard comme l'araignière, Francis Amunategui ou encore Henri Clojouve. Ce dernier qu'on retrouvait également à l'Académie Rabelais, aux côtés notamment de Kléber Hellens à Lyon, ce groupe qui avait pour but de continuer à ripailler à Lyon, justement malgré l'occupation, et qui s'était perpétué depuis pour chanter la cochonaille à profusion. Mais bon, je m'égare et je vous l'ai dit, l'andouillette éveille l'imaginaire. Le tout venant est à la bouche. Ah, les théologiens, il faut les avoir lus, les pères surtout, ceux d'aujourd'hui raisonnent comme des philosophes, les anciens psalmodiaient, ils savaient que notre intelligence ne se limite pas au cerveau, mais qu'elle utilise tout le corps. Slobodan, je suis évidemment en train de lire un passage du miel, le corps. Le corps ne se résume pas au cerveau évidemment, car il faut bien qu'il se nourrisse, et la nourriture est plutôt absente de vos ouvrages, excepté le miel évidemment. Mais on en parle assez peu, on assiste assez peu à des ripailles ou même tout simplement à des petits bistrots. Parce que c'est la nourriture vous intéresse peu ? Vous mangez uniquement pour vous nourrir ou vous vivez pour manger ? Non, au contraire, d'abord je mange extrêmement beaucoup. Je suis un ogre, ou du moins je l'ai été. Et puis ensuite, c'est quelque chose de très important dans ma vie, parce que précisément, comme il est dit dans le passage que vous venez de lire, et qui est un passage que j'aime, nous, les théologiens d'autrefois, les pères de l'Église, savaient que le corps entier était l'antenne qui nous relie à l'absolu, et pas simplement la pointe, cette espèce de sphère tout au sommet de l'échafaudage qui est la tête. Et aujourd'hui, nous sommes en train... Ah bah bravo, voilà. Me voilà baptisé au vin blanc. Nous avons baptisé notre invité, pas ma faute. Voilà. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que ce soit la première fois que ça nous arrive à la bouche. Il faut bien commencer. Nous avons une andouillette au vin blanc. Ouais, c'est parfait, je suis baptisé. Eh bien... Non, aujourd'hui, nous sommes en train de nous transformer en des espèces de céphales montées sur trépied. Sur pilotis. Sur pilotis, voilà. Et moi, je m'y oppose, je m'y oppose catégoriquement. Je pense que nous sommes tels que nous avons été créés, nous sommes tels que nous avons été amenés au monde. Et notre mémoire, notre pensée elle-même se nourrit de toutes nos expériences et pas seulement... des déductions faites par des neurones qui d'ailleurs sont de plus en plus faiblissants et de plus en plus mal nourris à l'époque où nous sommes. Oui. Il faut que je rappelle quand même à nos auditeurs, si jamais ils ne vous connaissent pas, que vous êtes un géant. Effectivement, vous êtes très grand, vous êtes barbu, vous avez une voix de baryton. C'est assez impressionnant, oui. Et alors justement, comment faites-vous pour ça ? Vous êtes un gros mangeur, un grand buveur également ? Je l'ai été. Par plaisir ou par vous noyez votre mélancolie, un coup c'est un chat en serbe, un coup c'est un grand flacon de vin. Faut pas parler la bouche pleine, mais comme vous avez arrosé de vin blanc mon andouillette, elle est d'autant meilleure. Ça va devenir une recette. Voilà, c'est comme les couleurs. Ça va être la l'andouillette Web7 Radio. Exactement, les meilleurs plats sont ceux qui sont créés par accident. Attendez que j'y mette un petit peu de vin rouge et on verra. Voilà. Attention, arrêtez de gâcher le vin par contre. Non, il n'est pas gâché là, non, il n'est pas gâché du tout. L'andouille spot, comment ça ? L'andouille spot, voilà. Eh bien. Oui, ce que je voulais dire. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais par rapport à la nourriture, oui, alors nous allons rebondir sur une nouvelle question. Est-ce qu'il y a une nourriture suisse, justement, puisque vous habitez en Suisse ? Alors, le perfide Paul Morand, dans son journal inutile, donne une définition à la fois extraordinairement méchante et tout à fait parfaite de la gastronomie suisse. Il dit toute la cuisine suisse est une cuisine pour enfants. Pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a des pommes de terre, des tranches de viande, pas trop grillées, pas trop assaisonnées, etc. Et puis, évidemment, petite exception que j'aime beaucoup, ce sont les diverses variétés de fromage fondu qui toutes sentent le pied. Et bien, entre la merde et le pied, il va falloir choisir. La raclette, ouais. La fondue, enfin, toutes ces choses. La fameuse moitié-moitié. La fameuse fondue moitié-moitié qu'il faut être un artiste et même, je dirais même, un ingénieur chimiste pour réussir, parce qu'il ne faut pas qu'elle tranche. Romaric, est-ce que vous êtes déjà allé en Suisse ? Car je sais que vous aimez le vin et le bon vin, la nourriture, je suis moins au courant, mais dites-nous. Un petit peu, mais j'ai des amis suisses, j'ai un ami suisse-allemand, qui prétend que la fondue savoyarde est une fondue suisse. Et c'est vrai. Je pense que c'est un débat qui n'aura jamais de fin en réalité, et que fondamentalement les Savoyards et les Suisses sont un peu... D'abord c'est la même chose. Oui voilà, c'est un peu les mêmes montagnards. Un cousinage, oui. Voilà, alors après sans doute que les Savoyards sont aujourd'hui beaucoup moins disciplinés, beaucoup plus arrogants, beaucoup plus insupportables, enfin voilà, que les montagnards suisses. Parce qu'ils sont un peu français, voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un effet d'assimilation. Mais la fondue moitié-moitié reste quand même une excellente fondue. Théo, est-ce que vous pourriez rappeler... Vous la connaissez, la fribourgeoise ? Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dégusté. Elle est faite à base de vacherin fribourgeois, qui est un fromage extraordinairement coulant, extraordinairement fondant. Délicieux fromage, effectivement. Mais il faut la chauffer avec des chandelles. Hein. Il doit être tiède. Si elle est chaude, elle tranche. Slobodan, à quand un narrateur qui justement sera un amateur de bonne chair ? Parce qu'on boit un petit peu dans vos romans, mais assez peu. On boit un petit peu pour allumer une discussion. Mais sans plus. Je suis hypocrite, je me fais austère dans mes romans comme je ne le suis pas dans la vie. Ah oui, c'est un moyen justement de vous donner une double identité. Non, c'est faux. Une fois on va d'ailleurs dans un de mes prochains romans, j'ai tout un plan. Il sera question de tout ça. Chez moi, il est extrêmement souvent question de la nourriture. Je viens de passer... un mois à ne rien manger sur les bords du lac Baïkal, enfin 2 semaines, puis ensuite un petit peu de jus de carotte et de salade. Récemment, oui. Entre mars et avril, et juste avant que le livre ne paraisse. Vous avez jeûné ? Oui, complètement. Et je pratique le jeûne une fois par semaine, maintenant, depuis lors. J'ai perdu beaucoup de poids. Je fais ça, curieusement, par volupté. Vous allez trouver ça un petit peu paradoxal, mais j'avais le besoin de retrouver les goûts et l'appétit, parce que dans une vie urbaine, une vie dans la société industrielle, vie que je n'ai pas toujours menée, j'ai aussi mené une vie de d'homme des bois, et bien dans cette vie-là, on a très rarement l'occasion d'avoir faim. Et je voulais vraiment avoir faim. C'est un thème, j'ai l'impression, qui vous est cher, parce que dans votre roman Le Rayon Bleu, il y a notamment le personnage, qui n'est pas le personnage principal, mais qui est assez important, Herbert de Lémure, oui. Voit un jour une conférence, je crois, donnée par un gourou bouddhiste pour un appel à l'instant présent, l'instant éternel, il faut en profiter, il n'y croit absolument pas. Et puis, au fur et à mesure du livre, il commence à se détacher du monde, justement, et il revient à cet instant présent, il pense à son enfance, on le mettait sur une table lorsqu'il était chez un tailleur, et qu'on lui prenait les mesures. Il repense à ça, il repense à des marches en forêt. Et justement, il y a un rapport, je crois, avec ce que vous venez de nous dire. Réussir à se détacher de l'instant du monde moderne qui est grouillant, qui est palpitant, on est toujours coincé entre le futur et le passé, pour se réapproprier soi-même, s'acoquiner avec son moi intérieur. C'est ça. Vous savez, j'ai spontanément développé depuis très longtemps un exercice mental que j'ai retrouvé ensuite dans les écrits d'Alan Watts, dont je parle dans Le Rayon Bleu, qui consiste tout simplement à m'arrêter, à me dire tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, l'ensemble de ce que j'ai vécu, vu, mangé, lu, éprouvé, souffert, m'a amené au point où j'en suis maintenant. Il n'existe donc que ce point-là. En l'occurrence, maintenant, il y a le seul point qui existe, c'est cette andouillette devant moi, un micro blanc. Et un coude rouge. Voilà. Elle est baignée au vin blanc, mais je bois du rouge. Et les voyages, justement, parce que vos personnages voyagent. Mais est-ce que les voyages sont une projection, justement ? Quelle part leur accordez-vous ? Parce qu'ils sont présents à la fois dans le miel, ils sont aussi présents dans le rayon bleu, notamment parce qu'il est question d'un sous-marin. Mm-hmm. Et le narrateur part sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Coupez-moi si je me trompe. Mais voilà, il n'y a jamais un pataugement physique, si je peux dire. Non, je voyage beaucoup. Ça, c'est par... Moi aussi, je voyage beaucoup. J'ai la bougeotte, d'une certaine manière. En même temps, je voyage comme je jeûne, c'est-à-dire je jeûne pour apprécier la nourriture et je voyage pour apprécier les lieux où je vis. Et j'y reviens toujours. Et plus je voyage, d'ailleurs, ce qui est très curieux, et plus je suis attaché à deux ou trois endroits, notamment le lieu où je suis né, où je n'ai pratiquement jamais vécu, qui est en Serbie. Oui. Et puis le lieu où je vis maintenant, qui est le Valais en Suisse, et qui est une superbe, c'est la haute vallée du Rhône, c'est une très belle région de montagne, mais où en tant qu'éditeur, écrivain, journaliste, je n'aurais pas grand chose à faire. Oui. Et pourtant, j'y suis ancré. Vous avez des attaches historiques avec la Suisse, quel est votre rapport à la Suisse en fait ? Il y a une connexion très mystérieuse entre la Suisse et la Serbie. La Suisse, comme la Serbie, se sont construites. La Suisse au XIIIe siècle et la Serbie au XIXe, par l'opposition à un seul et même ennemi qui était la famille des Habsbourg. Guillaume Tell, c'est la même chose que Gavrilo Princip. Donc le XIIIe siècle rejoint tout d'un coup le 1914. Et nous allons partir tout à l'heure chez Maudrin, la complainte de Maudrin. Mandrin, qui peut se rattacher justement, on mettra ça sur le compte du vin. Ouais. Romaric, vous êtes un romancier également. Est-ce que vous avez besoin de voyager pour réussir à dépeindre un paysage lointain ? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout voyageur, fondamentalement. Enfin, je ne suis pas du tout voyageur, ou plutôt je le suis trop. Et du coup, j'ai du mal à trouver une stabilité ou un centre de gravité, voilà. Et donc du coup, je ne me sens pas spécialement l'envie de voyager, mais je ne suis pas contre non plus, je veux dire, mais ça m'est complètement égal en réalité. J'ai l'impression de flotter en permanence un peu sur la réalité telle qu'elle m'est décrite. Mais ce que je trouve intéressant, notamment dans l'ambiguïté, on va dire, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ambiguïté en tant que telle, qu'il y a une cohérence supérieure, des paraboles de Slobodan. Les paradoxes, en fait. Qui, oui, parce qu'il semble un paradoxe. Ce qui me paraît mais des paradoxes, mais qui n'en sont pas. Coup, oui. C'est ce rapport qu'il peut avoir à la nature, à l'ordre naturel. C'est pas vraiment la nature, d'ailleurs, c'est plutôt l'ordre naturel qu'on trouve à la fois dans le miel, dans le rapport aux abeilles, bien sûr, et au fait de l'apiculture, qu'on peut avoir dans le rayon bleu par rapport à la chasse, qui est une des occupations, malgré tout, qui rythme un peu le livre. Et puis les questionnements métaphysiques. Et en fait, je pense que pour le coup, c'est une question d'opposition à la modernité qui est frappante, parce qu'en fait, la modernité est ce qui s'oppose autant à l'un qu'à l'autre, qui n'est ni métaphysique, ni naturel. Et il est des personnages qui s'opposent à la modernité. Justement, on parlait de Cartouche, on parlait de Guillaume Tell. Et vous ouvrez Slobodan, votre roman Le Rayon Bleu, par la complainte de Mandrin, non pas Maudrin. Monté sur la potence, je regardais la France. Alors, il faut rappeler pour nos auditeurs que Louis Mandrin, c'était une sorte de Robin des Bois du 18e qui a été assez admiré, notamment par Voltaire. C'était un contrebandier, comme le rappelait Romaric, du Dauphiné. Et qui avait une certaine tendance à aller piquer l'argent chez les collecteurs de taxes de la ferme générale. Et pour cette raison, il était grandement apprécié. Et nous allons écouter la complainte de Maudrin, récitée par Yves Montand. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode, marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrais dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main, vous m'entendez. J'y trouvais 1000 écus, je mis la main dessus. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était haute. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3, vous m'entendez. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3 chariots. Je les portais pour vendre à la foire en Hollande. Je les vendis bon marché, ils ne m'avaient rien, vous m'entendez. Je les vendis bon marché, ils ne m'avaient rien coûté. Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes et leur bonnet carré, mûrent bientôt, vous m'entendez. Et leur bonnet carré, mûrent bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre, assez dur à entendre. À pendre et étrangler sur la place du, vous m'entendez. À pendre et étrangler sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnon de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez. Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. Les mots à la bouche. À l'écoute de Webset Radio et surtout à l'écoute des mots à la bouche en présence de Slobodan Despot, et nous commençons à manquer de vin. Et j'ai entendu une petite anecdote disant qu'il est possible de gagner son poids en vin. Romaric, dites-nous. Oui, non, j'ai vu plusieurs fois Slobodan pendant sa grande tournée du miel, parce que ce qu'on imagine peu... Tournée de promotion pour son roman Le Miel, c'est ça ? Oui, même plus de promotion. Son livre a eu beaucoup de succès, il a été invité dans de très très nombreux endroits en France, il a gagné des prix. Il est arrivé une fois, une soirée, avec une bouteille, pas à son nom, mais au nom du primé précédent. Parce qu'il avait gagné le prix d'un prix qui a une excellente idée de remettre. C'est le prix du premier roman, le prix de Sablé. Voilà, de Sablé, qui a la bonne idée de remettre à la personne. Sablé sur Sartre. Non. Alors justement pas. C'est le Sablé qui se trouve entre Avignon et Gigondas. C'est voilà. Tout dit. Et donc, voilà, j'ai pu. Et puis bon. Et c'est un prix qui remet donc du coup son point en main. Oui, alors vous, quand Slobodan gagne, j'imagine que c'est autre chose que quand c'est Christine Angot. Oui. J'ai envie de dire, c'est un prix qui donne envie de manger avant d'écrire. Quoi. Alors, Slobodan, avouez que là, à mon avis, vous n'avez pas fait un jeûne sur les bords du lac Baïkal un mois avant. Non, certainement pas. À l'époque, je faisais 130 kilos, maintenant j'en fais 115. Ça fait du vin quand même. Les vignerons qui offrent le prix étaient très contents parce que l'année d'avant, le prix avait été remporté par une petite asiatique. Parce qu'ils sont habitués, à mon avis, à avoir des écrivains qui, comme pour la plupart, kilos. Qui ont un coup de poulet. Voilà, c'est ça. et on vous pose sur une balance et de l'autre côté on met des caisses de vin. La littérature ne nourrit pas son âme en général. Bon, ce que j'ai regretté quand même, je leur ai dit d'ailleurs, moi les caisses de vin ça m'intéressait pas, ce qui m'intéressait c'était le vin tout, ils auraient pu mettre dans un cubiténaire, moi ça m'aurait arrangé aussi. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, voilà, c'est ça, c'est que tu as eu vraiment une tournée quand même très très importante, tout à fait remarquable, et qui était, alors pas en dehors, dans le sens où tu as été reconnu en tant que tel, je veux dire, tu as eu un écho médiatique, mais tu as eu un écho médiatique, j'ai l'impression, un peu gêné. Un peu gêné, un peu frigide, c'est du mal à bander en face, quoi. Les gens étaient contents, mais c'était un peu gêné. Bon, bref. Et en revanche, dans ces prix, dans ces tournées, les gens, j'ai pu assister à tes prestations par hasard dans mon village d'enfance, enfin voilà. Les gens étaient accueillis de manière extrêmement enthousiaste, et c'est là où on voit, enfin on le sait, on en parle énormément, mais sur les deux France, et sans vouloir vriller sur un pays légal ou un pays réel, parce que je me fous complètement de Maurras pour le coup, mais en tout cas il y avait vraiment culturellement il y avait deux pays, et il y a dans ce pays réel entre guillemets, et qui est pas du tout un pays maurassien en l'occurrence, pas du tout, tu as été extrêmement accueilli, et moi j'ai vu, enfin j'ai eu certaines occasions que Slobodan était vraiment il avait une ferveur, du public, il y avait une ferveur, il a déclenché un intérêt très très important dans beaucoup d'endroits, et qui est pas forcément, moi qui suis parisien pour le coup, qui suis les mais vous avez des origines grenobloises, oui, mais je veux dire d'un point de vue du prisme de l'actualité culturelle parisienne, on ne mesurait pas l'écho que, je pense, le miel a pu avoir, par exemple, Mais la gêne, du coup, de cette autre France dont vous parlez, France des provinces n'est pas gênée du tout. Voilà, donc la gêne de l'autre France, du coup, c'est par quoi ? C'est par votre vision de la, enfin, ce que vous racontez de la Serbie, ce que vous racontez de la guerre, c'est quoi ? Déjà, le sujet, moi, mon étonnement premier, c'est d'abord que un éditeur comme Gallimard ait accepté ce livre qui malgré tout est assez délicat du point de vue de son sujet historique. Il est délicat du point de vue de la biographie de son auteur, parce que j'ai une biographie à ne pas montrer aux petits-enfants. Non, on va y venir. Oui. Mais d'un autre côté, précisément, ce que relève Romaric est très important, le miel m'a permis de faire le tour, un vrai tour de Gaulle, sans Astérix, il n'y avait que Obélix. Et j'ai été invité un peu partout, j'ai été invité pour des prix, j'ai été invité dans des médiathèques. Il y a peut-être un petit côté, c'est le seul auteur Gallimard qui accepte d'aller au fin fond des Vosges ou des Pyrénées ou de je ne sais pas où, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'étais très bien accueilli partout. Et il y a un très grand paradoxe que je relève ici, peut-être pour la première fois publiquement, c'est que ça m'a remis les idées en place concernant ce qu'est la lutte pour l'identité française. Parce que par professionnellement, dans l'édition, etc., je suis quand même plus ou moins lié à des cercles conservateurs, nationalistes, etc. Et en fait, ces cercles conservateurs, nationalistes, lorsque je suis devenu soudain romancier, même sous la prestigieuse couverture blanche de Gallimard, ils n'ont même pas vu passer la chose. Ça ne les intéressait pas, la littérature ne les intéressait pas. Mais c'est souvent le cas. Voilà. Les gens qui sont profondément ancrés en politique, l'art, vraiment, ne les intéresse assez peu. Ils voient la dimension de la culture qui, là, par contre, peut être intéressante à exploiter pour des fins politiques. Et quelquefois, j'ai eu quelquefois des invitations, des débats, très peu, je veux dire, mais dans ces milieux-là, et on me parlait de mon roman comme si c'était agi d'un documentaire ou d'un document ou d'un essai ou d'une polémique. Un manifeste, presque. Un manifeste, alors que ce n'était pas du tout ça, je ne pouvais même pas commenter là-dessus. Alors que là où j'étais, là où nous sommes croisés, c'était dans le Grésivaudan, je crois. Aux Adrets. Oui, aux Adrets, voilà. Au fin fond d'une vallée, par hasard, avec Romaric. Là, j'étais accueilli par des gens qui avaient, qui faisaient vivre, mais vraiment, qui portaient à bout de bras toute leur région, la vie culturelle, même la vie agricole, avec des associations selon la loi 1901, avec des coopératives, des choses comme ça, qui sont tous de gauche, qui m'ont accueilli avec une chaleur, une amitié, une compréhension surtout absolument extraordinaire. Et je me suis senti, c'est un paradoxe, je me suis senti du point de vue, d'une certaine manière, accueilli en famille par ces gens-là, alors que j'étais accueilli dans une famille d'idées plutôt, dans l'autre camp, si j'ose et dire. Et puis c'est plein. Enfin, j'aimerais. Parce que, connaissant la vie parisienne, c'est plein. Je dirais, c'est plein. Les Cosaques remplissent, hein. Il n'y a pas de problème. Les Cosaques, c'est plein. Ouais. Mais la plupart des initiatives culturelles de livres à Paris, dans les librairies, même universitaires ou quoi que ce soit, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne. Là, c'est plein. Et là, c'est plein. Les gens, ils sont. Parce qu'il faut avouer qu'il y a une fable. En fait, pour ce qui est du miel, en tout cas, c'est une fable. Populaire, ça parle d'une histoire d'homme, de famille. La dimension politique qu'on peut y voir, en tout cas, ou historique, enfin, historico-politique, en tout cas, qu'il y a derrière, elle peut dépasser le lecteur. Et même si le lecteur est dépassé par cette dimension-là, le roman garde de son intérêt, je crois. Absolument. Mais il me semble aussi qu'à Paris, vous avez une reconnaissance quand même pour votre roman, puisque je crois bien que vous avez eu des prix pour votre premier roman. Oui, j'ai eu des prix, j'ai eu des sélections pour des prix, et puis j'ai eu aussi, je ne donne pas de plus de précision, mais il y a aussi des prix où on m'a éliminé, a priori, parce que à cause de ma biographie. Donc, et je le sais de sources sûres, de l'intérieur du jury. Donc, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe, et ça, c'est une chose qui m'a donné un élan extraordinaire, et pour moi, c'est un chemin de Damas. Il existe un public de lecteurs, un public de vrais amoureux de la littérature. Et quand on est amoureux de la littérature dans les faubourgs d'Angoulême, au fond, fin fond de la Bretagne ou des Vosges ou des Pyrénées, on draine derrière soi toute une histoire, toute une culture. On se réunit, on invite des historiens, on reconstitue... On reconstitue une vie culturelle, on retape une salle de spectacle pour pouvoir se réunir, on crée un fonds pour soutenir la dernière librairie. Je veux dire, le travail de ces gens, le travail de fond de ces gens pour sauver la culture française, là, dans le fond des provinces, est absolument colossal et absolument occulte. Je veux dire, il y a une parenté entre eux et mon roman, c'est que moi, je décris une grande tragédie dont personne n'a parlé, et eux, c'est un grand exploit dont personne ne parle. Et là, on s'est trouvé. Et dans un public caché, il y a un héroïsme. Ah oui, vraiment. Juste par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Slobodan. Enfin, tu l'as expérimenté, mais il y a vraiment un héroïsme caché de la société civile en France, que personne ne relaie en fait. Voilà. Oui. Personne n'a même l'idée. Du moins que la classe politique a tendance à oublier un petit peu. Et alors dans un public, Slobodan, il y a des femmes évidemment, et on dit qu'il y a surtout des femmes qui lisent. Il y a surtout des femmes. Et dangereuses. Les femmes qui lisent sont dangereuses, tout comme un vin un petit peu trop frappé. Oui. Et alors je vais aller piocher dans le rayon bleu. Vous dites, à cause de ma nature indolente, j'ai toujours recherché des femmes qui m'électrisaient, me défiaient et me faisaient sortir de ma propre peau. Avec qui je me hissais au-dessus de moi-même, pour qui j'allais jusqu'à écrire des poèmes. J'en étais venu à estimer que 3 ou 4 liaisons intenses finiraient par donner un recueil de poésie érotique fort publiable. Est-ce vous ? Il y a un petit peu de moi, oui. Ou est-ce que c'est vraiment on verra plus le tard, narrateur À l'heure du poème, on verra peut-être. À l'heure du poème, on verra peut-être, oui. Très bien, parce que, chers auditeurs, vous savez bien que nous finissons par un poème, et même nous allons nous lancer sur le jeu de la cuisine, Avanti. Le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait ? On se risque sur le bizarre. Sur le bizarre. Chers auditeurs, la cuisine, vous le savez exactement, et la scène où ils se mettent au vitriol. La cuisine, tout simplement, Slobodan, nous allons vous donner quelques artistes. Nous allons vous les donner en peinture, en peinture. Et vous allez nous dire en deux mots. Par exemple, Solzhenitsyn, dont il est question dans le rayon bleu un petit peu. Un grand totem barbu, conscience du XXe siècle et en même temps l'un des derniers représentants de l'art pompier. Et si je vous cite Kundera, dont nous avons parlé tout à l'heure ? Eh bien, c'est l'humour qu'on ne perçoit que si l'on a connu la persécution. Kusturica ? La folie des gens normaux. Dostoïevski. Fyodor Dostoïevski. Le génie qui bosse pour nourrir sa famille. Et il n'y a rien de plus extraordinaire. Paul Morand. La plus talentueuse mauvaise langue de tous les temps. Ernst Jünger. Ah oui, bah oui, un tendre et précieux collectionneur de papillons qui pourtant avait décrit les orages de feu comme personne. Partons du côté de la poésie, François Villon. Moi. Vous avez tué également ? Si vous avez une petite déclaration à faire, j'ai pas de mais je veux dire je suis sans conviction. C'est le fait que quelqu'un est tué, il a affaire à la loi. Mais comme j'essaie de suivre l'Évangile, je ne le juge pas. Et puis François Villon s'est défendu par rapport à une agression, j'aimerais... Il s'est défendu quand même, justement. Attendez, et en plus, la personne, j'ai lu récemment un livre là-dessus, passionnant, d'une historienne de Toulouse, qui explique que la personne qui a agressé François Villon au couteau et contre laquelle s'est défendu François Villon, qui l'a tué d'une pierre dans la tête... Je crois que c'était un prêtre, si je ne me trompe pas, non ? Non, c'était pas une rixe avec un prêtre. Non, pas du tout. Ou le bedeau de Saint-Germain. C'était un voyou du même genre avec lequel ils étaient embrouillés pour diverses raisons, alors qu'il était embarqué par... alors j'imagine que c'était pas le SAMU à l'époque, mais enfin par des gens qui essayaient de... Voilà, en agonisant, a dit qu'il fallait pardonner à François Villon, qu'il avait conscience qu'il l'avait agressé de manière odieuse et qu'il lui pardonnait. Enfin, autre époque que le Moyen-Âge, et peut-être on pourrait en parler avec ce voisin. Imaginons ça. C'est le début, oui, voilà. Et pour enchaîner sur Villon, il suffit de lire les mémoires de Benvenuto Cellini, la vie de Benvenuto Cellini par lui-même, le grand orfèvre et sculpteur de la Renaissance italienne, qui lui, alors, ne se privait pas de raconter par le menu Serix, où il y a eu beaucoup de morts d'hommes, d'ailleurs. Oui. Slobodan, si je vous demande de nous citer un cinéaste soviétique, à qui penseriez-vous en premier ? Eh bien, je pense immédiatement à Andrei Konchalovsky, qui pourtant est plutôt connu comme dissident, mais qui a commencé sa carrière en Union soviétique en étant le co-scénariste d'Andrei Tarkovsky. Bien, Slobodan, un musicien français. Musicien français ? Oui, pour être dans la difficulté. Oh, c'est pas difficile, c'est Georges Brassens. Que vous choisissez entre Léo Ferré et Brel ? Oh, je le choisis, comment dire, entre Couperin et Debussy. Théo, dites-nous. Et s'il nous fallait un poète russe ? Ah, mon Dieu, un poète russe, il y en a tellement. Exactement. Alexandre Blok, peut-être. Ah oui, qui est l'auteur des 12. Des 12, ouais. Donc c'est un poète futuriste, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, je crois bien que vous avez un rapport à la poésie assez fort, Slobodan, car je me réfère encore à vos bouquins, et vous donnez une sorte de définition. Le terme est un petit peu stupide, mais en tout cas, c'est assez fort ce que vous avez fait. Vous dites, dans Le Rayon Bleu, la poésie, c'est exactement cela. Des mots humains forcément faibles, plus ou moins bien assemblés, plus ou moins dissonants, indiquant aux âmes capables de les comprendre des réalités plus vraies, plus solides que la nôtre. Vous pouvez peut-être mentionner dans quel contexte c'est dit ? Dans quel contexte absolument. Écoutez, il faut que je demande à ma secrétaire qui l'a lu. Non, mais c'est plus de lecture à côté. Attendez. C'est dit à propos des sonars. Oui, absolument, parce que justement le narrateur se retrouve dans un sous-marin, absolument, et il se rend compte en écoutant les sonars que ça lui donne un rapport direct avec justement ce qui se passe autour, et qu'il arrête d'être dans cette machine qui n'est uniquement qu'avec des boutons, avec des hommes qui ont tout créé, et qu'il y a un retour, c'est un grand mot, mais que du moins... La poésie, pour l'être humain, c'est exactement le sonar du sous-marin. Nous sommes aveugles, mais nous avons une antenne. Et vous avez des poètes en particulier qui vous touchent vraiment, qui vous guident, que vous avez peut-être découvert plus jeune et que vous découvrez encore et... Alors, bien entendu, numéro un chez moi, c'est Charles Baudelaire, dans le domaine français en tout cas, c'est Percy Shelley dans le domaine anglais, c'est Miloš Černiansky en serbe, c'est Blok en russe, en fait... Maîtrisez toutes ces langues hein ? Oui, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais ces langues-là, oui. J'ai traduit ces langues en général. Oui. Et ce soir, vous nous avez importé un poème, Slobodan. En quelle langue allez-vous nous lire ? Ça dépend, c'est de votre choix. Alors, soit c'est. Je vous laisse carte blanche. Vous me laissez carte blanche ? Vous voulez un poème ? C'est de toute façon un poème d'amour, mais est-ce que vous voulez un poème d'amour érotique ou un poème d'amour paternel ? Eh bien, Théo se met à sourire d'un œil lubrique, et je crois que nous allons partir sur le poème érotique. Évidemment qu'on souhaite un poème érotique. Oh, érotique, c'est un bien grand mot, parce que moi, j'ai une conception très utilitaire de la poésie. C'est un poème de moi. Bon, en gros, vous draguez avec la poésie. Ouais. Non, là, en l'occurrence, c'était une opération de sauvetage à dernière chance. C'était un poème que j'ai composé dans ma tête en me rendant à l'ultime rendez-vous avec la femme que j'aime et qui est toujours avec moi aujourd'hui, 7 ans plus tard. Et c'était notre rendez-vous de rupture. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire ? Alors je l'ai formulé sous la forme de vers. Et ça a marché, donc, Slobodan, du coup ? Il faut croire que oui. Vous voulez que je vous lise ça ? C'est incroyable que la poésie puisse avoir une telle fonction. Ben non, pour moi, la poésie est strictement utilitaire. Alors, vous voulez que je vous lise ça ? Absolument. Bon, alors j'y vais. Ça s'intitule « On ne jette pas un amour comme ça ». On ne jette pas un amour comme ça. On le relègue aux oubliettes. Et il se retrouve là, tel le prisonnier de Chillon, grattant les murs jusqu'au sang, troublant la quiétude des lieux et sans cesse demandant « Pour quelle faute me garde-t-on ? Et combien de temps encore ?» On ne jette pas un amour comme ça, on le conserve dans un album qu'on ne feuillettera pas pour ses plus belles images, mais pour celles, peut-être floues, qui nous rappelleront au mieux cet air, ce surplus d'être, cet éclat que notre œil intérieur a conservé au plus obscur de ses trésors. On ne jette pas un amour comme ça. On lui réserve une jolie boîte, avec 2 tickets de théâtre, un flacon de parfum pour que, sauf tremblement de terre ou guerre nucléaire, notre nez vienne tôt ou tard nous punir d'un sournois coup de poignard pour avoir, contre la vie, choisi la mort. On ne jette pas un amour comme ça, peut-être même qu'on ne le jette pas. Les mots à la bouche. Merci. C'est superbe. Merci, Slobodan. Et je comprends tout à fait que cette femme soit restée avec vous après un tel poème. Ah bah je crois que je l'ai acheté, là. Slobodan, en 2 mots, parce que malheureusement l'émission touche à sa fin, vous êtes éditeur aux éditions Xenia. Oui. Qu'est-ce que vous préparez pour dans l'immédiat, à la fois les éditions et à la fois vous en tant qu'écrivain, que romancier? Alors, aux éditions, je prépare ma succession parce que c'est mon frère Marco Despot, qui a longtemps travaillé aux éditions L'Âge d'Homme et qui est actuellement directeur des éditions des Sirtes, qui va peu à peu reprendre mon rôle aux éditions Xenia. Je me trouve très mal à l'aise depuis que je suis devenu romancier pour redemeurer éditeur au sens de entrepreneur d'édition. Je peux éventuellement être conseiller, c'est ce que je reste aux éditions Xenia. Et puis de mon côté, je prépare 3 ou 4 nouveaux romans, voilà, parce que je compte vraiment poursuivre. Magnifique, ouais, magnifique. Donc cet accident de parcours. Vous êtes tombé de plein pied, si je peux dire, dans la chemise de l'écrivain. Oui. Et maintenant, c'est votre... Bah oui, finalement, c'est la manière... Vous savez, quand vous êtes éditeur et que vous êtes dans un salon du livre, vous devez tout préparer, tout payer, tout ranger ensuite. Et quand vous êtes auteur, vous n'avez qu'à poser votre sac et signer des bouquins, c'est beaucoup mieux. Ouais. On va faire un petit tour de table. Théo, vous travaillez au magazine Saveur. Quelle est la prochaine parution du magazine Saveur ? Le magazine Saveur actuellement est en kiosque. Nous n'avons pas forcément de parution. Enfin, la prochaine parution ne sera quand. Oui, évidemment, nous avons des parutions tous les mois et demi, mais là, le dernier numéro actuel est en kiosque. Donc, je vous invite à y jeter un œil. Nous avons le nouveau numéro de Slowly Veggie aussi, un magazine végétarien auquel je participe, qui est en kiosque la semaine prochaine. Et oui, effectivement, on peut aussi être végétarien et gourmand, quoi qu'on en pense. Voilà. Merci beaucoup, Théo. J'acquiesce. Merci, Théo. Romaric, vous, je crois que vous avez peut-être un recueil de poésie qui est en préparation, ou un second roman, peut-être. J'ai un livre à paraître en 2018 que je dois finir pour septembre. Voilà. Un roman ? Oui, un récit. Un récit autobiographique à paraître en janvier 2018, donc c'est quand même dans très longtemps. Et puis nous serons... Enfin, Olivier Molin est invité sur RFI mardi prochain, et je serai présent comme second invité pour évoquer le Cercle Cosaque. Oui, Olivier Molin, qui est votre compère, justement, et qui sort un nouveau bouquin qui s'appelle « Nos retrouvailles ». Voilà. Je crois bien. Et qu'il a signé jeudi dernier. Absolument. Merci beaucoup, Romaric. Et en tout cas... Slobodan, je vous tiens pour coupable. Il est 21h15, une fois de plus nous avons fait exploser notre c'est temps, tout mais c'était un grand plaisir de vous recevoir en compagnie de Romaric Sangars. Il est temps pour nous de clôturer Les mots à la bouche. Romaric, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Verticaux, un roman qui se trouve aux éditions Léo Cher. Et quant à vous, Slobodan, votre dernier roman date chez Gallimard dans la collection Blanche, Le Rayon Bleu. Et on peut également trouver Le Miel en Blanche, mais également en folio. Le prochain invité sera Eric Neuf le 27. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Les mots